Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Frank Sinatra et la politique américaine. En 1944, déjà, il avait prêté son concours pour l'élection de Roosevelt. Il a également travaillé pour Truman, pour Stevenson, que Eisenhower avait battu, pour Humphrey et, bon, pour les Kennedy. En fait, il a été un des premiers à briser cette règle d'or d'Hollywood qui voulait que les créateurs fassent la création et non pas de la politique. Le chroniqueur Daniel Guérard à l'émission « Il fait toujours beau quelque part » en janvier 1985, le nombre de présidents qu'a ouvertement appuyé le chanteur Frank Sinatra est impressionnant. Frank Sinatra reste sûrement, aujourd'hui encore, l'un des artistes à avoir côtoyé le plus étroitement le milieu politique américain. Proche ami de John Kennedy et de Ronald Reagan, Frank Sinatra va passer au fil du temps du camp démocrate au camp républicain. Now here are some of our friends from the Committee for the Arts of the Democratic National Committee, Mr. Sammy Davis, Jr., Mr. Peter Lawford, Mr. Frank Sinatra. Ladies and gentlemen of the convention, our national anthem. Sammy Davis Jr., Peter Lawford et Frank Sinatra, tous les trois membres du célèbre Rat Pack, chantant l'hymne national américain à la Convention démocrate de Los Angeles en 1960. Pour nous parler de l'engagement politique de Frank Sinatra, je reçois Karine Prémont, collaboratrice régulière à l'émission et professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour, Jacques. Comment mesurer, comment décrire ce degré de proximité très grand qu'aura Frank Sinatra avec différents présidents américains? Mais en fait, c'est plutôt exceptionnel dans l'histoire de voir qu'un artiste publiquement comme ça s'attache à des présidents, fait campagne pour eux, ramasse des fonds, fait des discours, contribue à la publicité électorale d'un président. C'est une exception, je vous dirais, dans l'histoire de voir un artiste aussi proche que ça du pouvoir politique. Il faut dire que les liens sont presque naturels entre Sinatra et les présidents parce que Sinatra est attiré par le pouvoir sous toutes ses formes, mais parce que les présidents aiment aussi beaucoup le côté glamour de Sinatra, ses contacts hollywoodiens. Alors, ils y retrouvent tous des bénéfices. Aujourd'hui, c'est plus rare de voir une telle chose, en tout cas aussi publiquement affiché, parce que justement les mœurs dissolues des artistes quelquefois pourraient éventuellement mettre les présidents dans le pétrin. Alors on essaie maintenant, les entourages des présidents essaient de les protéger à cet égard-là. Oui. Mais Sinatra, il y a deux niveaux en fait. Il y a le niveau purement politique, relations publiques, c'est payant pour les présidents d'avoir l'appui. C'est une grande vedette, Frank Sinatra, à ce moment-là. C'est payant pour eux. Mais plus que ça, c'est vrai qu'il y a encore des artistes qui vont rendre visite au président à la Maison-Blanche, mais dans le cas Sinatra, ça, je pense que ça n'existe plus. Il y a Kennedy, Reagan sont ses amis. Oui, ils font des fêtes ensemble, ils se prêtent des maisons d'été, ils passent des vacances ensemble aussi. Donc, ils se côtoient régulièrement. Ce sont effectivement, comme vous dites, des amis dans la vie de tous les jours et non pas simplement des accointances d'occasion ou en tout cas de circonstances comme on peut peut-être le voir aujourd'hui. Donc, et c'est public et c'est connu et c'est su. Et ça devient des événements mondains, en fait, à ce moment-là. L'autre particularité, évidemment, c'est que les deux présidents dont il sera le plus près sont Kennedy et Reagan. Ça, c'est probablement assez unique, Karine Prémont. OK, on a affaire à un artiste qui est proche du pouvoir politique, qui va côtoyer des présidents, mais il va passer de la grande famille démocrate à la grande famille républicaine. Oui, en très peu de temps, là, il va changer d'allégeance politique, mais c'est pas tellement une question d'allégeance politique quand il parle chez les républicains. D'ailleurs, il va tenter de modérer Reagan à plusieurs reprises. Il va tenter de l'amener à réfléchir à des politiques un peu plus progressistes ou en tout cas un peu moins radicales avec... En fait, sans succès. Ouais. Mais c'est surtout une question d'amitié pour Sinatra à ce moment-là. C'est un ami, Reagan, et la gauche l'a déçu. Alors, il cherche à ce moment-là une certaine rédemption avec Ronald Reagan. Il tombe dans la marmite de la politique très, très jeune, Frank Sinatra. Sa mère, déjà, est une militante chez les démocrates. Oui. Frank Sinatra est né à Hoboken, au New Jersey. Sa mère est une militante au sein du Parti démocrate du New Jersey. Alors, elle va discuter avec lui très régulièrement de politique. politique. Elle le traîne un peu partout à ce moment-là. Et il vit dans un quartier pauvre. Il est lui-même italien. Alors, il est sensible très jeune à la discrimination, aux insultes, notamment contre les Italiens, mais aussi contre les Juifs, contre les Afro-Américains. Et pendant toute sa carrière, en fait, il va souvent refuser de jouer dans des endroits qui discriminent contre les Afro-Américains. Et ce sera sa marque de commerce, d'une certaine façon. Donc, il va mener un concert bénéfice pour Martin Luther King au Carnegie Hall de New York en 1961. Et donc, il va utiliser cette popularité qu'il a pour sensibiliser les gens, pour appuyer des politiciens, pour jouer un rôle politique, en fait. Ouais. Ça va lui nuire autant que ça va l'aider par ailleurs dans sa carrière. Il sera très critiqué également pour ses positions progressistes. Parce que c'est un vrai progressiste. C'est un vrai progressiste. Dans les années 40-50, il ne faut pas l'oublier, on est à l'ère du macartisme. Donc, il sera soupçonné d'être communiste ou en tout cas d'avoir des idées communistes, assurément. Il sera dénoncé notamment par les journaux du magnat Hearst à plusieurs occasions à ce propos. Mais il ne sera jamais vraiment inquiété par les commissions d'enquête ou par McCarthy à cet égard. From the songs of the heart to Mrs. Eleanor Roosevelt is a simple segue. As you no doubt are aware, enchaîner ces chansons qui viennent du cœur avec Mme Eleanor Roosevelt est une suite logique. Comme vous le savez, la firme Gallup effectue chaque année un sondage pour sélectionner les 10 femmes les plus admirées de la planète. Pour une 11e année consécutive, le nom au sommet de cette liste est celui d'une femme dont l'amitié est très précieuse pour moi. Mesdames et messieurs, la femme la plus admirée de notre époque, Mme Eleanor Roosevelt. Ladies and gentlemen, the most admired woman of our time, Mrs. Eleanor Roosevelt. Good evening, Mrs. Roosevelt. Good evening, Mr. Sinatra. Bonsoir, Madame Roosevelt. Bonsoir, Monsieur Sinatra. Mr. So, why don't you call me Frank? Pourquoi vous ne m'appelez pas Frank? Oh, vous savez, je suis un peu vieux jeu. C'est plus naturel pour moi de dire Monsieur Sinatra. You see, I'm a little old-fashioned. It seems more natural for me to say Mr. Sinatra. Well, Eleanor Roosevelt à l'émission de Frank Sinatra présentée au réseau ABC en 1960. C'est avec les Roosevelt que va commencer cette très, très longue relation que va entretenir Frank Sinatra avec les présidents américains, Karine Prémont. Dans quelles circonstances il rencontre Frank Sinatra, le président Roosevelt, une première fois? Il le rencontre à la Maison-Blanche en 1944 et tout de suite, il sera impressionné par Roosevelt. Il faut dire que Roosevelt, c'est un type un peu plus grand que nature aussi. C'est un personnage en soi. En 1944, il est très apprécié encore par la population américaine. Et donc, Sinatra va dire de lui que c'est le type le plus épatant qu'il a jamais rencontré. Donc, il va se laisser assez facilement convaincre de faire campagne pour lui. FDR, à ce moment-là, sollicite un quatrième mandat à la présidence des États-Unis. Donc, contribution financière importante, participe à des événements public, fait de la publicité, etc. Donc, il est pleinement partie prenante de cette campagne électorale. Il va ensuite le faire pour les autres candidats démocrates qui vont succéder à Roosevelt, notamment Harry Truman en 48, Adlai Stevenson en 52-56, participe à la Convention nationale, encore une fois, mobilise les électeurs de façon très importante. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour les politiciens de l'avoir de leur côté. Il va attirer aussi les donateurs. Et alors qu'il sera souvent critiqué, justement, de cette participation politique active, ce qui est peu courant à l'époque, bien, il va dire « Le gouvernement est beaucoup plus important que ma carrière, alors c'est pour ça que je souhaite m'impliquer. Je veux faire changer les choses. Je veux être un acteur politique à part entière. » Il y a un vrai intérêt, une vraie conviction aussi, parce que si les partis politiques profitent de ça, lui n'a rien à gagner de ça. En fait, au contraire, vous l'avez dit, il a même été écorché à un moment donné. Là. Oui, dans les années 40-50, il est au sommet de sa gloire. Donc, c'est pas un gain pour lui. C'est par conviction profonde qu'il soutient les politiciens démocrates, assurément. Ouais, par conviction, puis dans certains cas, on y revient, dans le cas de Reagan plus tard, mais d'abord, dans le cas de Kennedy, par amitié. Everyone is voting for Jack, 'cause he's got what all the rest lack. Everyone wants to back Jack. Jack is on the right track, 'cause he's got high hopes. He's got high hopes. 1960's the year for his high hopes. Come on and vote for Kennedy. Vote for Kennedy and we'll come out on top. Oops, there goes the opposition girl. Oops, there goes the opposition girl. Oops, there goes the opposition girl. Durant la campagne présidentielle de 1960, cette chanson, vous entendez la chanson de Frank Sinatra, « I Hopes », dont on a adapté les paroles pour la campagne électorale de 1960, ça va devenir la chanson du camp Kennedy. Et on le disait un peu plus tôt, Karine Prémont, de tous les présidents qu'il va côtoyer, c'est de John Kennedy dont Frank Sinatra sera le plus proche. Deux hommes qui sont de vrais amis. Comment décrire cette proximité, ce qui les unit l'un à l'autre? Bien, c'est surtout une admiration mutuelle. D'abord, ils fréquentent les mêmes cercles, que ce soit à Los Angeles, par exemple, à Las Vegas. Ils ont des amis communs, donc ils viennent un peu du... Ils participent au même milieu, autrement dit, politico, célébrité, argent. Donc, on est vraiment dans un milieu... Jet-set. Jet-set, ouais. C'était le mot que je cherchais et qui résume bien tout ça. Donc, ouais. Effectivement, c'est des gens qui côtoient ce même milieu. Donc, ils se sont rencontrés à quelques reprises dans les années 50, vont devenir amis en 1955, à peu près, là, c'est pas très clair dans la littérature, mais c'est Peter Lawford, en fait, qui va servir de catalyseur, parce que Lawford, qui est membre du Rat Pack, va épouser la sœur de Kennedy, Patricia, en 1954. Et c'est là, justement, où ils vont être amenés à se fréquenter de façon beaucoup plus récurrente. Les deux hommes ont plusieurs points en commun. Ce sont des charmeurs, des séducteurs, des noceurs, aussi, ouais. Des gens qui aiment faire la fête. Vont se partager, d'ailleurs, quelques petites amies, seront complices des adultères de l'autre. Donc, encore une fois, évoluent dans le même milieu, passent beaucoup de temps ensemble, notamment à la maison de Sinatra à Palm Springs, en Californie. Sinatra va présenter Marilyn Monroe à Kennedy aussi en 1961. Donc, ce sont des gens qui se fréquentent et cette amitié-là, cette admiration mutuelle qu'ils ont l'un pour l'autre va cimenter cette amitié-là. Oui, puis des gens qui s'apprécient profondément. Oui. Le Rat Pack, d'ailleurs, on l'entendait à la convention de 60, Sinatra ne sera pas le seul à être présent. Mm-hmm. En fait, il va entraîner... tout le Rat Pack va soutenir Kennedy à un moment donné. Oui, parce qu'en février 60, pendant la campagne électorale, le clan Kennedy s'installe à Las Vegas pour faire campagne dans l'Ouest américain. C'est Edward Kennedy, le frère de John, qui est responsable de la campagne de l'Ouest. Donc, ils font du Sands, l'hôtel Sands de Las Vegas, leur point d'attache, parce que c'est un hôtel, justement, qui appartient en partie à Sinatra, où il a sa résidence, il fait ses spectacles là régulièrement. Donc, Kennedy assiste au spectacle. Il y a ce point d'ancrage. C'est là, d'ailleurs, que Kennedy va rencontrer Judith Campbell, qui deviendra sa maîtresse et qui était aussi la maîtresse de Sam Giancana, qui était associé à la mafia. Donc, on voit déjà là, un peu tout ce cercle-là converger à Las Vegas. Et Sinatra, justement, va présenter Kennedy à ses amis du Rat Pack. Évidemment, il connaît déjà Lawford, mais Sammy Davis Jr., Dean Martin également, qui vont faire campagne pour lui, qui vont organiser des événements, des collectes de fonds, vont attirer d'autres célébrités aussi, donc vont donner beaucoup de glamour, ouais, à Kennedy, à sa femme, vont faire justement de cet homme-là une vedette, peut-être la première, premier président potentiel à être présenté comme une vedette par les médias, justement en raison de cette proximité-là. Sinatra va prêter sa suite luxueuse dans son hôtel à Kennedy, notamment pour y recevoir ses maîtresses, mais va prêter aussi son jet privé à la campagne de Kennedy. Joe Kennedy, le père de John, va aussi s'entretenir avec Sinatra à de nombreuses occasions, lui disant, tu sais, tu as des contacts dans certains milieux interlopes, est-ce que tu pourrais pas leur demander qu'ils fassent pression sur les syndicats pour qu'ils votent pour mon fils, ce qui va éventuellement très, très se faire. Ça va quand même assez loin. Et lors de la victoire de Kennedy en 60, ben c'est Sinatra qui va être en charge d'organiser le bal inaugural de janvier 61, scellant ainsi cette amitié hors du commun entre les deux hommes. Ouais. Cela dit, cette belle amitié hors du commun entre les deux hommes va finir assez brutalement, assez abruptement. Ça se passe en fait en mars 62, c'est le moment de la rupture. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, tout simplement, mauvaise communication, je dirais, dans le sens où Kennedy avait prévu de passer quelques jours à Palm Springs chez Sinatra pendant le congé de Pâques. Et donc, Sinatra refait faire une partie de sa maison, construit un héliport pour que l'hélicoptère de Kennedy puisse atterrir. Donc, revampe un peu toute sa maison. Et finalement, il apprend de façon indirecte que Kennedy n'ira pas chez lui. Il va plutôt aller chez Bing Crosby, qui est pourtant un républicain, pour passer les congés de Pâques. Évidemment, la raison est simple. Selon Kennedy, évidemment, bien, les allégations concernant le fait que Sinatra serait peut-être impliqué dans la mafia ou en tout cas serait très proche du crime organisé pèsent lourd sur cette décision. On se rappelle que Bobby Kennedy est procureur général à ce moment-là. Il est très au fait des enquêtes sur le crime organisé. Il dit à son frère, c'est risqué. Il a décidé de faire un ménage, hein, un grand ménage. Grand ménage dans l'entourage de Kennedy en disant, là, tu t'acoquines un peu trop avec ce milieu-là. Proche de Sinatra, ça veut dire... proche de Giancana, justement, ça veut dire proche des casinos, de la mafia. C'est peut-être pas une bonne idée d'aller là. Évidemment, pour Sinatra, c'est une humiliation personnelle. Ce qu'il aurait voulu, évidemment, c'est que Kennedy y aille, mais surtout l'appel pour lui dire, écoute, c'est pas possible, voici des raisons, tu comprends. Et Sinatra l'a très mal pris, il a détruit en bonne partie les rénovations qu'il avait faites, notamment cet héliport à grands coups de masse. Donc, ça l'a profondément attristé. Il a blâmé Bobby Kennedy, évidemment, mais aussi Peter Lawford, qui, à ce moment-là, devra quitter le Rat Pack. Donc, c'est une rupture là, très claire, un froid qui s'installe entre Sinatra à ce moment-là, ce qui ne l'a pas empêché, par ailleurs, d'être tout à fait dévasté à la mort de Kennedy, bien sûr. Exact, parce que quelques temps plus tard, son ami meurt. Sa fille en parle, d'ailleurs. Oui, elle dit, mon père s'est enfermé pendant 3 jours dans sa chambre en pleurant. Il était inconsolable, la mort de Kennedy. Thank you, Dean. I'm pleased to be here tonight, honoring my very dear friend, Frank Sinatra. Je suis fier d'être ici ce soir afin d'honorer mon très cher ami Frank Sinatra. Lors de la préparation de l'événement, les producteurs de l'émission hésitaient entre inviter le gouverneur Brown ou moi. Encore une fois, j'ai perdu. It was a choice between me and Governor Brown, and I lost again. This is Frank Sinatra's night, and I'm here out of gratitude. Sérieusement, c'est la soirée de Frank Sinatra, et je lui dois beaucoup. Frank a travaillé pour moi dans toutes mes campagnes électorales jusqu'à mon élection comme gouverneur. Sans son aide, qui sait, je serais peut-être devenu président. Without his help, who knows? I might have been president. You probably gathered by now. Je pense que Frank Sinatra serait un bon président. Mais je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour le convaincre de se présenter. Pourquoi le voudrait-il si, pour ce faire, il fallait qu'il renonce à être un roi? Ronald Reagan, alors qu'il n'est pas encore devenu président, il le sera évidemment plus tard, lors du bien cuit de Frank Sinatra présenté à la télé américaine en 1978. Reagan, donc, après Kennedy, je pense qu'on peut dire après, ce sera l'ami le plus proche, le président dont Frank Sinatra sera le plus proche. C'est par Reagan aussi, je pense, Karine Prémont, que Sinatra va... Parce qu'il est déçu des démocrates, mais Reagan, ce sera peut-être l'élément clé qui fait qu'il va passer du côté républicain. Effectivement. Mais d'abord, la rupture avec Kennedy le refroidit beaucoup concernant son approche par rapport à d'autres politiciens. Il n'a pas été capable de créer des liens avec Lyndon Johnson. On comprend bien que Johnson n'est pas du tout intéressé par les mêmes choses que Kennedy. On le comprend. Lors des primaires démocrates de 68, Sinatra va soutenir le vice-président Johnson, Hubert Humphrey, mais ne deviendra pas ami avec lui. On comprend évidemment qu'il ne soutienne pas Bobby Kennedy, étant donné les problèmes qu'il lui a causés, à qui il impute la rupture avec John. Donc, va s'éloigner tranquillement de Washington, un peu déçu effectivement par ces politiques-là. Et en 72, McGovern, qui est le candidat des démocrates, est jugé beaucoup trop à gauche pour Sinatra parce qu'il dit, écoutez, on est dans une période de crise, de tension, il y a des émeutes partout, c'est le Vietnam, la jeunesse déborde, ça peut pas continuer comme ça, et c'est en partie la faute des démocrates. Donc, va se rapprocher de Reagan. D'abord, c'est son ami, effectivement, depuis les années 70, là, c'est son ami, mais le mariage politique, en fait, va se faire à ce moment-là. Là, parce que McGovern est trop à droite, est trop à gauche, pardon, donc va soutenir en 72 Richard Nixon. Ouais. Et c'est ça qui va l'emmener à être un peu plus conservateur. D'ailleurs, il dira à sa fille, plus on vieillit, plus on est conservateur. Ouais. C'est pour ça que je me rapproche des républicains. Et Nixon, ça fait son affaire parce que ça fait longtemps qu'il essaie de se rapprocher de Sinatra. Il s'était rapproché d'Elvis Presley aussi. On en a discuté ensemble il y a quelques temps. Donc, il essaie de se donner une image un peu plus in, un peu plus cool, Nixon. Mais son entourage est beaucoup plus prudent que celui de Kennedy. Lui dit... Ça n'est pas une bonne idée. Fais attention. Ce type-là n'est pas clair. C'est peut-être pas une bonne idée. Et d'ailleurs, le directeur du FBI va dire à Nixon, Sinatra est sous surveillance depuis 1946, alors moi, je préférais, si j'étais vous, m'en tenir loin. Une espèce de relation ambiguë. Il sent bien toute la lumière que pourrait lui apporter Sinatra, mais en même temps, c'est une lumière qui pourrait lui porter ombrage éventuellement. En fait, c'est pas tant de Nixon dont se rapprochera Sinatra que de son vice-président, Spiro Agnew. Exactement. Donc, Spiro Agnew, lui, qui est ébloui par les lumières d'Hollywood, qui rêve de faire partie de ce monde-là, qui aime l'argent, qui aime les célébrités, qui aime le clinquant d'Hollywood, va trouver chez Sinatra un ami. Ils sont voisins à Palm Springs, d'abord. Et le vice-président va se réfugier chez Sinatra quand il vivra cette grande crise en 1973, quand on l'accusera d'avoir accepté des pots de vin. Et Sinatra va va l'encourager à se défendre, à se battre. C'est Sinatra aussi qui va prêter plus de 200 000 $ à Agnew quand il aura quitté Washington pour l'aider à se refaire un peu. Donc, il y a cette amitié-là très proche entre les hommes, encore une fois, parce que Sinatra aime le pouvoir et parce que le pouvoir aime Hollywood. Ouais. Donc, c'est ce qui rapproche Agnew et Sinatra. Et quand Reagan sera au pouvoir comme président, ben là, évidemment, Sinatra aura ses entrées directes. Oui. Va essayer, parce que ça reste, même si c'est un républicain, ça reste un progressiste. Il va essayer, au fond, d'influencer un petit peu les politiques de Ronald Reagan avec assez peu de succès. Mm-hmm. Mais il est l'ami de Reagan, devenu républicain, mais ça reste un progressiste. Oui, ça reste un progressiste, mais je pense qu'il croit en son ami. Je pense qu'il se dit « Mon ami est capable de faire de grandes choses » et c'est pour ça qu'il le soutient. Ouais. Il va soutenir sa campagne. Et d'ailleurs, c'est probablement Reagan qui lui offre cette plus grande proximité avec le pouvoir. Il a pratiquement accès, comme il le veut, à la Maison-Blanche à cette époque-là. Donc, il va le soutenir pendant la campagne de 80. Il va donner 4 millions de $ à sa campagne aussi. Participe, comme pour Kennedy, à des levées de fonds. Organisera le bal inaugural. Il est aussi très proche de Nancy Reagan. Ouais. Plusieurs rumeurs laissent entendre qu'il y avait peut-être une relation amoureuse entre les deux. Encore une fois, pas de preuves dans un sens ou dans l'autre, mais Sinatra va s'impliquer dans la présidence de Reagan, dans les campagnes de Reagan, avec autant de force et de dévouement qu'il avait fait pour Kennedy. Ouais. Pas tant parce qu'il partage toutes ses histoires, toutes ses positions politiques, et comme vous l'avez dit, il essaiera toujours de modérer son ami sans succès, mais parce qu'il croit que son ami est un bon candidat pour être président des États-Unis. Ouais. On peut pas terminer l'émission sans essayer, avec le recul, de voir quelle était la nature véritable des relations de Frank Sinatra avec le crime organisé? Parce qu'on l'a vu dans l'émission, ça va lui coûter cher politiquement. Mm-hmm. C'est le point de rupture avec John Kennedy, c'est ça. C'est oui. ces soupçons qui tournent autour de ce lien qu'il aurait avec les milieux du crime organisé. Avec le recul, qu'est-ce qu'on sait de la nature véritable des relations de Frank Sinatra avec le crime organisé? Bien d'abord, disons que les Reagan ont toujours pensé que c'était des rumeurs. Les Reagan ont toujours soutenu Sinatra, ont toujours rejeté du revers de la main ces allégations-là en disant « c'est des rumeurs, il n'y a rien là ». Les Reagan ont été souvent les défenseurs de Sinatra sur cette question. Ce qu'on sait, c'est que Sinatra a été convoqué en 73 à la commission sur le crime organisé de la Chambre des représentants. On l'a accusé de rien. Finalement, on n'avait pas de preuves. Il a dénoncé personne. Il a dit « Moi, je travaille pas avec ces gens-là ». Et les documents du FBI ont été déclassifiés en 1998. Et la seule chose qu'on peut voir dans ces documents-là, ce sont des liens sociaux. Ouais. Aucun lien d'affaires. Frank Sinatra n'était pas dans la mafia. En tout cas, les documents qu'on a jusqu'à maintenant nous démontrent qu'il n'y a pas lieu de penser qu'il y avait ce lien-là. Mais Frank Sinatra, je le répète, aimait le pouvoir, que ce soit le pouvoir politique ou le pouvoir des chefs mafieux, aimait entrer dans une pièce et que les portes s'ouvrent et qu'on le serve et que les belles femmes arrivent et que l'alcool coule à flot et qu'on fasse la fête. Et autant les présidents que la mafia permettait ce genre de fête. Karine Prémont, c'était passionnant. Habituée de l'émission, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.